Manoucherie avec plusieurs grades. C'est parti. Paye ta manoucherie. Thank you. C'est l'anonyme, Bruno ? Thank you. C'est parti. Cheval blanc, tous derrière lui, devant, il était un petit cheval blanc, tous derrière lui. Qui c'est qui veut me jouer du Brassens? Ou quoi? pays. Ce pays, au tibilos, ton pays Brassens. Oh non. C'est pas Auvergnat, moi, ça. Il a fait une chanson pour l'Auvergnat, mais... J'aime pas. Toi, l'Auvergnat. J'aime pas du tout cette chanson. Woohoo! Thank you. compliqué. Thank you. armes.